Chapitre 5e. Cependant, le colonel, après avoir de nouveau recommandé à Horace d'attendre son oncle devant la grande porte de l'hôtel, de façon que celui-ci ne fût point exposé à quelque rebuffade du concierge, était monté en voiture et avait dit à son cocher de descendre vivement dans Paris. Bien que ce fût un dimanche, ainsi que l'avait fait remarquer Thérèse, il espérait toujours trouver quelques magasins ouverts, dans lesquels il pourrait acheter les vêtements et les objets nécessaires à la toilette de sa cousine. Mais ces magasins, il les trouva tous fermés. Il semblait que, dans la grande ville, il n'y eût plus de vie que dans les cafés, qui regorgeaient de monde, et sur les trottoirs des boulevards, où l'on s'entassait pour s'interroger et se communiquer les nouvelles des journaux. Comme il courait d'un magasin à l'autre, trouvant partout les volets de tôle abaissés, le hasard le fit passer devant la maison habitée par l'illustre couturier Faugerolles, et en levant les yeux, il vit que les fenêtres du premier étage de cette maison étaient éclairées. Il monta et sonna. Tout d'abord, personne ne lui répondit, mais ayant recommencé sa sonnerie de telle sorte qu'on devait croire que le feu était à la maison, la porte fut ouverte par Faugerolles lui-même, qui, en voyant le colonel, recula étonné. Le colonel entra et referma la porte vivement. « Vous pouvez me rendre un grand service. Je suis tout à votre disposition. » Et Faugerolles fit entrer le colonel dans la pièce où il travaillait. Sur une immense table étaient étalés des livres de commerce et des paquets de lettres classés par ordre. « Vous voyez, dit-il, je tâche de voir où j'en suis. L'heure de la liquidation générale a sonné, et je crains bien qu'elle ne soit terrible pour moi. Ah, si j'étais sûr de toucher seulement la dixième partie de ce qu'on me doit. Que pensez-vous de la situation, vous, un militaire ?» Mais le colonel n'était pas venu pour écouter des lamentations ni donner des consultations militaires. Il expliqua en quelques mots le service qu'il venait demander. Une parente lui était arrivée, ayant perdu tous ses bagages. Il lui fallait à n'importe quel prix de quoi l'habiller pour ce soir même. Demain, on aviserait. Mais tous les magasins étaient fermés. Il ne savait où aller. Il y a un mois, je n'aurais pas pu vous venir en aide. Mais aujourd'hui, rien n'est plus facile. Plus d'une commande qui m'avait été faite n'a pu être livrée par suite d'un départ précipité. Que vous faut-il ? Le colonel expliqua ce qu'il voulait et donna les mesures prises par la femme de charge sur Thérèse. Faire habiller sa petite cousine par l'illustre Faugerolles, c'était là une idée si bizarre que le colonel ne put s'empêcher de rire tout seul. C'était plus qu'une bizarrerie, c'était une révolution. Parmi les merveilles que Faugerolles lui offrit, le colonel choisit une robe montante en soie grise, aussi simple que possible, mais d'une simplicité élégante, digne du génie de l'illustre couturier. « Il est certain, dit Faugerolles, que cette robe n'ira pas comme si elle avait été essayée. Mais enfin, elle se rapproche autant que possible des mesures que vous me donnez. Tout ce que je vous recommande, c'est de ne pas dire qu'elle vient de chez moi. Je serai déshonoré. » C'était beaucoup d'avoir une robe, mais ce n'était pas tout. Il restait encore la question de la lingerie, non moins difficile. Mais Faugerolles, qui n'avait rien à refuser au colonel, ainsi qu'il le disait lui-même dans ses protestations, trouva un moyen de surmonter cette difficulté. On lui avait livré la veille un trousseau pour une jeune périvienne, afin qu'il le fît partir avec ses robes. Il proposa au colonel de choisir dans ce trousseau tout ce qui pouvait lui convenir. Le lendemain, il s'entendrait avec la lingère pour remplacer ce qui aurait été pris, et si la jeune péruvienne recevait son trousseau et ses robes un peu trop tard, ce serait un accident. Elle attendrait. 10 minutes après, le colonel avait peine à s'asseoir dans son coupé, encombré de boîtes et de cartons. Mais peu importait, il avait réussi. Quelle surprise pour Thérèse. Quand il rentra à l'hôtel, Horace lui apprit que son oncle venait d'arriver et qu'on l'avait conduit dans son appartement. Alors, le colonel appela la femme de charge et la pria de monter les boîtes et les cartons dans l'appartement de Thérèse. « Vous expliquerez à ma cousine que c'est tout ce que j'ai pu trouver aujourd'hui, et vous lui direz qu'elle me fera plaisir en voulant bien revêtir cette lingerie et cette robe, alors même que tout cela lui déplairait. » Jamais on n'avait vu le colonel aussi actif, aussi affairé, aussi gai. Ce fut la réflexion que Madame Bénard communiqua à Horace. « Qu'a donc, monsieur, aujourd'hui ?» Il est content de retrouver ses parents, son oncle et sa cousine. « Cela lui fait honneur, » répliqua la femme de charge, qui, au fond du cœur, se disait que s'il avait des parents dans cette situation, elle n'éprouverait pas tant de joie à les retrouver, car enfin ce n'étaient que des ouvriers du faubourg. Il est vrai que monsieur aussi était du faubourg, et l'on ne peut pas se débarrasser complètement de ses défauts ou de ses infirmités d'origine. Quand Thérèse ouvrit les boîtes et les cartons, et aperçut la robe de soie grise et la lingerie garnie de dentelles, elle poussa les hauts cris. Mais aussitôt, Madame Bénard intervint et lui répéta textuellement les paroles du colonel, en les accompagnant d'une pantomime qui ne permettait pas la résistance. Il est vrai de dire que cette velléité de résistance ne persista pas chez Thérèse. Quelle jeune fille a jamais refusé d'être belle une fois dans sa vie? Pour elle, son cousin, le colonel, ressemblait jusqu'à un certain point à la fée de Cendrillon, qui n'a qu'à toucher les citrouilles de sa baguette enchantée pour les changer en carrosse, les souris en chevaux, les rats en cocher, les lézards en laquais, et les guenilles en habits d'or et d'argent tout chamarrés de pierreries. Tout enfant, elle avait entendu faire des récits merveilleux de sa fortune, et dans son imagination, elle l'avait toujours vue comme une sorte de génie ou de magicien. S'habillant avec l'aide de Madame Bénard, qui lui était d'un grand secours, car elle ne savait trop comment arranger ces belles choses qu'elle voyait pour la première fois, elle se demanda tout bas si elle n'allait pas trouver dans un carton ces fameuses pantoufles de verre, les plus jolies du monde, qui avaient fait le mariage de la petite Cendrillon avec le fils du roi. Comme elle rêvait à cette fantaisie, on frappa la porte et une femme de chambre entra. Précisément, elle apportait ces fameuses pantoufles de verre, car le colonel, se rappelant que dans les boîtes et les cartons de Faugerolles ne se trouvaient ni bottines ni souliers, avait voulu réparer cet oubli, et dans une vitrine de curiosité, il avait été chercher des babouches turques ornées d'une rose en pierrerie qu'il envoyait à sa cousine. « Monsieur le colonel m'a recommandé de prévenir mademoiselle, » dit la femme de chambre, qui l'attendait au salon, où il la priait de descendre quand elle serait prête. Thérèse n'avait jamais marché avec des babouches, pas plus qu'il n'avait tiré derrière elle la traîne d'une robe. Mais l'art de la toilette est inné chez la femme, comme celui de la natation l'est chez les oiseaux aquatiques, qui font les plus gracieux plongeons du monde en sortant de leur coquille. Comme un papillon aux ailes diaprées qui vient de laisser à terre sa laide chrysalide, Thérèse descendit légèrement l'escalier et entra dans le salon. Pendant qu'elle s'habillait, le salon lui aussi s'était mis en toilette, et les lampes, le lustre et les girandoles avaient été allumées. Se promenant en long et en large, le colonel l'attendait. Il vint au-devant d'elle. « Ah, mon cousin, » dit-elle, « vous avez donc voulu jouer la poupée avec moi? Me reconnaissez-vous ?» Il ne répondit rien, mais longuement il la regarda. Puis d'une voix que l'émotion rendait frémissante, « Je vous retrouve telle que bien souvent je vous ai vue, » dit-il. Elle le regarda sans comprendre ce qu'il disait, mais lui se comprenait parfaitement. C'était en effet ainsi que bien souvent il l'avait vue, aux heures où il se disait qu'elle aurait été sa femme, s'il n'avait point si follement mené sa vie. Et par suite d'un merveilleux hasard, ce rêve qu'il avait fait si souvent en ces derniers mois se réalisait maintenant. Elle était là, devant lui, telle qu'elle aurait été s'il avait su la prendre pour sa femme, ravissante, pleine de grâce et d'aisance, avec cet air de timidité enjouée et de simplicité candide qui était son charme. La prenant par la main, il la fit asseoir près de lui dans un grand fauteuil où elle disparaissait presque tout entière. Bien qu'il eût mille choses à lui dire, il resta à la regarder sans parler, ne sachant ou plutôt n'osant commencer. À ce moment, la porte du salon s'ouvrit. C'était Antoine qui rentrait. Et lui aussi était transfiguré, grâce aux vêtements que le colonel avait fait mettre à sa disposition. « Que va dire mon père en me voyant ainsi ?» demanda Thérèse, moitié inquiète, moitié souriante. « Restez, je vous prie, » répondit-il, et se levant, il alla au-devant de son oncle. Antoine s'était arrêté auprès de la porte et de sa fille. Caché dans le fauteuil, il n'avait vu qu'une traîne de soie grise étalée sur le tapis. « Soyez le bienvenu, mon oncle, » dit le colonel en lui serrant la main. « Voulez-vous me présenter à votre femme, mon cher Édouard ?» Le colonel leva la tête stupéfait. Mais comprenant bien vite l'erreur de son oncle, il se mit à sourire silencieusement et le prenant par la main, il l'amena quelques pas du fauteuil. Alors, s'arrêtant, « Mon oncle, voici ma femme, » dit-il. Thérèse tourna la tête vers son père et celui-ci, qui s'inclinait, s'arrêta, bouche béante, les bras étendus. « Thérèse !»